J'ai évidemment beaucoup parlé, mais c'était la séance inaugurale. Et donc, l'heure est venue de vous présenter notre invité du jour, Adrien Faudeau, qui a fait sa thèse sur le choix de facturation du commerce international, sauf erreur de ma part, sous la direction de Jean-François Ponceau, que nous connaissons. Et il est donc doublement autorisé, si j'ose dire, pour nous parler aujourd'hui. Adrien a notamment co-dirigé en 2017 un numéro de la revue Intervention économique, consacré à la nature sociale de la monnaie, enjeux théoriques et portée institutionnelle. Il vient aujourd'hui nous parler de la dernière tentative de structurer de manière rigoureuse et cohérente le système économique international, tentative qui n'a pas vraiment pu voir le jour puisque son auteur a dû négocier infructueusement avec un personnage plus puissant que lui, qui représentait les intérêts de la nation victorieuse en 45. Mais puisqu'il s'agit de la seule tentative moderne de concilier souveraineté étatique en matière monétaire et coopération économique internationale, elle constitue toujours un foyer de réflexion de premier plan pour la question du lien entre politique et économie et de son rapport avec le problème de la souveraineté. Cela dit, Adrien va en parler beaucoup mieux que je ne l'ai fait, et donc je lui laisse la parole pour un exposé intitulé Intégration internationale, souveraineté nationale et coordination supranationale, la réconciliation du plan Keynes.